la cour envisage ton prêt floué, les corps gris enfants d'hiver, ras les poils éparpillés sur leurs jambes, le terrain flé par les épines déjà d'un défaut. Croyant tout perfidie, interdit, épave des promesses enfantines, les lèvres mauves, les plages noires, j'ai passé mes nuits à nous regretter. Il y a un pays vérifiable, inaccessible comme les morts. J'ai passé ma vie à le rechercher comme un film en super 8. Je rembobine ma vie. Ces enfants sur la plage noire au regard triomphant, c'était nous, maman, papa, sublime fantôme dans les entrebas et moi, des portes de nos vies, respiration d'hiver, comme les clopes. Les faux rires, ça va finir en larmes. Il y a un pays invérifiable, inaccessible comme les morts. J'ai passé ma vie à le chercher. Inaccessible comme...